pas, t'imaginer. Quand j'avais besoin, tu n'étais pas là. Si je le fais pas, moi qui va y aller. Faut charbonner, des années suffit pas d'une matinée. Si tu galères pour tout, ne t'inquiète pas. Si tu ne lâches pas, ça va aller. On revient de loin, ils ne peuvent pas s'imaginer. Quand j'avais besoin, tu n'étais pas là. Si je le fais pas, moi qui va y aller. Faut charbonner, des années suffit pas d'une matinée. Si tu galères pour tout, ne t'inquiète pas. Si tu ne lâches pas, ça va aller. J'écoute pas tes conseils, j'coupe pas y aller mollo. Les pions des gros gros, ils ont fait notre doro. Rien à faire de Facebook, pourquoi tu me follow? Besoin de personne, on a tout fait en solo. A chaque son y'a du goût, c'est riche en saveur. Ils ont la haine qu'on s'use pas, ils nous font pas de faveur. C'est quand tu t'en sors que tu vois tous les baveurs. On a taffé dur, dur, dur, dur laveur. Ils en ont jamais assez, même s'ils sont millionnaires. La vague ne fait que passer, ils jouent avec nos nerfs. Les terrons réagissent, tout comme un légionnaire. Y'a celui qui agit, et le décisionnaire. Les alentours en sillonne, comme des zonards. On repère les brigades, comme avec un sonar. Parfois je traîne seul ou je traîne avec des collards. On se défend, ça y'a pas de nom. Ils ne peuvent pas t'imaginer. Quand j'avais besoin, tu n'étais pas là. Si je le fais pas, moi qui va y aller. Faut charbonner, des années suffit pas d'une matinée. Si tu galères pour tout, ne t'inquiète pas. Si tu ne lâches pas, ça va aller. On revient de loin, ils ne peuvent pas t'imaginer. Quand j'avais besoin, tu n'étais pas là. Si je le fais pas, moi qui va y aller. Faut charbonner, des années suffit pas d'une matinée. Si tu galères pour tout, ne t'inquiète pas. Si tu ne lâches pas, ça va aller. Tu n'as pas droit à l'erreur, c'est tolérance zéro. On se laissera pas faire, tout comme des guerriers. Pas beaucoup trop se prennent pour aller mélo mélo. Tout le monde a les gros, comme les pistoleros. Car je mets ton magot, les trop de pisteurs. Si tu veux pas qu'elle cabre, surveille ta sister. Ça fait des roues arrière, debout sur le blaster. Trop de pickpockets, un des captas CB Master. Chaque jour on survit, chaque jour nous bataillons. Beaucoup prétendent être vrai, mais c'est des ataillons. Ça coupe des plaquettes, chaque jour nous détaillons. Ça sort le canon, demande à Moussaillon. Ça veut faire assez thunes pour se tailler. Quand t'as plus de conso, il faut ravitailler. Projet dans le cartable, y'avait pas de cahier. C'est charbonné capuché, quand on t'imaginer. Quand j'avais besoin, tu n'étais pas là. Si je te fais pas, moi qui va y aller. Faut charbonner, des années suffit pas. Tu ne m'imaginer. Si tu galères pour toi, ne t'inquiète pas. Si tu ne lâches pas, ça va aller. On revient de loin, ils ne peuvent pas t'imaginer. Quand j'avais besoin, tu n'étais pas là. Si je te fais pas, moi qui va y aller. Faut charbonner, des années suffit pas. Tu ne m'imaginer. Si tu galères pour toi, ne t'inquiète pas. Si tu ne lâches pas, ça va aller. On revient de loin, ils ne peuvent pas t'imaginer. Quand j'avais besoin, tu n'étais pas là. Si je le fais pas, moi qui va y aller. Faut charbonner, des années suffit pas d'une main.